like shit. You just wanna hold a new dawn, a new day, a new day for you, for me. Oh, do you agree? I sing with you, my friend, on this new jam session. It's an improvisation. It's oh, I'm coming. Yann Le Rouge dans la place tout d'un coup arrive comme dans un jeu de quilles. Absolument intéressant. Mais oh, voici. Y'a de la place pour voir si y'a de la place. So sorry, my angel. Sorry, my angel, I'm so sorry, sorry, my yeah. Oh my. Stories. Sorry. Between time and space, continents, we share sounds, we share, we try, yeah, between time and space, continents, yeah, we try, we try, we try, we try, we try, think. The ninja session. Are we able to listen? Oh my lord, oh my, oh my, ah, oh yeah. It's a never. just if you want. So never you can be a big, a lovely evolution. So never lâché. Oh, oh, oh, it will be such a pleasure. Yeah. Latest is my enemy. Latest is my love. Le rouge dans la place avec tellement, tellement, si seulement, seulement, tellement de talent. Around the world, on the. Around the world, there's a stairway to give away now. Automatic system with you, my friend. Everybody needs somebody to know. You know that everybody needs to restore your automatic system. Automatic system. You need to restore. I thank you. Oh. Away. danse au pied du volcan. On danse au pied du volcan. Conscience. Plus ou moins universel. Plus ou moins universel. L'intérieur, l'âme, puissance, ingénierie, subtile, intelligence, intérieur, dépend. Dépend des mécanismes de défense mis en place pour défendre la place. Dépend, tout dépend. Il suffirait un instant, une création. La beauté du monde. Eh bah, the beauty of the sous tes yeux, tranquillement, regarde. Un instant seulement, prends le temps.